Ils nourrissent le pays de leurs mains fatiguées, sous la pluie, sous le gel, sous les dettes empilées. On leur parle de normes, de chiffres, de lois, mais personne n'entend quand leur cœur ne bat plus droit. Ils tiennent encore debout, même quand tout s'effondre. La terre sous leurs bottes est leur dernier monde. Si demain les champs se taisent et que plus rien ne pousse, souviens-toi, c'est eux qu'on a poussés à bout. Ils se lèvent avant l'aube quand la ville dort encore, les mains dans la boue froide, le dos déjà trop fort. On leur promet demain depuis des générations, mais demain recule toujours au bout des décisions. Ils comptent les factures, pas les heures passées. Ils enterrent leurs rêves sous des tas de papiers. Et quand l'un d'entre eux tombe en silence à genoux, on appelle ça un chiffre, nous on appelle ça un frère à bout. Ils nourrissent le pays de leurs mains fatiguées, sous la pluie, sous le gel, sous les dettes empilées. On leur parle de normes, de chiffres, de lois, mais personne n'entend quand leur cœur ne bat plus droit. Ils tiennent encore debout, même quand tout s'effondre. La terre sous leurs bottes est leur dernier monde. Si demain les champs se taisent et que plus rien ne pousse, souviens-toi, c'est eux qu'on a poussé à bout. On leur impose des règles écrites loin des saisons, par des mains qui n'ont jamais semé un sillon. On ouvre les frontières, on ferme leurs fermes, et on ose leur dire que le marché est moderne. Ils aiment leurs bêtes comme on aime une famille, mais on leur arrache tout au nom d'un paraphe. Quand ils crient leur colère, on parle de débordement, mais leur silence suit, tue depuis trop longtemps. Ils nourrissent le pays de leurs mains fatiguées, sous la pluie, sous le gel, sous les dettes empilées. On leur parle de normes, de chiffres, de lois, mais personne n'entend quand leur cœur ne bat plus droit. Ils tiennent encore debout, même quand tout s'effondre. La terre sous leurs bottes est leur dernier monde. Si demain les champs se taisent et que plus rien ne pousse, souviens-toi, c'est eux qu'on a poussés à bout. Pourtant regarde-les encore fiers malgré la tempête, le regard droit même quand la nuit est complète. Ils ne demandent pas l'aumône ni des médailles, juste le droit de vivre de leur travail. Ils ne bloquent pas les routes par plaisir ou par jeu, ils bloquent parce qu'on leur a fermé tous les lieux. Et s'ils se lèvent aujourd'hui, ce n'est pas par colère vaine, c'est pour que demain ait encore des champs et des graines. Ils nourrissent le pays de leurs mains fatiguées, sous la pluie, sous le gel, sous les dettes empilées. On leur parle de normes, de chiffres, de lois, mais personne n'entend quand leur cœur ne bat plus droit. Ils tiennent encore debout, même quand tout s'effondre. La terre sous leurs bottes est leur dernier monde. Si demain les champs se taisent et que plus rien ne pousse, souviens-toi, c'est eux qu'on a poussé à bout. Ils nourrissent le pays, ils tiennent la nation, pas avec des discours mais avec leur saison. Si un jour tu manges en paix, si tu vis encore debout, n'oublie jamais ce combat, n'oublie jamais d'où vient tout. Force aux agriculteurs, votre lutte est juste, votre travail est vital et votre dignité.